depuis le début. Je baisse pas la tête, je baisse pas les miens. Je me répète comme le virus à chaque aîné. On voit plus loin à chaque étape. Je parie pisse, mais au fond c'est végétal. Tout sur une chaise éjectable au fond du trou comme un toucher rectal. Dès que j'ai le seum, j'ai recours aux thérapies. Je gratte une feuille, je fous retour aux pyramides. J'ai tant de m'hydrater que j'avale un pack de pirates. Attention à l'impact dès que je crache un track de pirate. Passe le message entre couplets, vocalise. Trop balise, mais dans ta vie faut être doué de grosses canines. J'pose ma lead, 16 barres, chiffre la taille. Je vais me faire yégri comme les 6 rats de la citadelle. Lève les bras si t'adhères, mais bon t'as vu. Le rap ça dure qu'un temps. Beaucoup te feront la guerre, soit aussi dur qu'un tank. J'termine le 16 avec des faces sorties du car plat. Depuis le collège, on a la dalle dans nos cartables. Assis-toi à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage. Allez, viens à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage. J'espérais vers que moi tu meurs, mais j'ai pas rêvé de l'Amérique. Non, j'ai pas rêvé de la gloire, pas rêvé de passer la bac comme certains frères à la mairie. Je vais pas l'aimer comme elle mérite, je lui donne peu d'attention, je sais que je vais la perdre. Je bois les mots ni la pointure, pareil pour toi qu'on faisait la paire. Pareil qu'un jour on fera la paix, je sais pas. Un jour on manque tous à l'appel. Genre de puce où je passe mes nerfs comme quand je commence à rapper qui s'en rappelle. J'ai pas les temps mais j'ai le vécu, juste un peu de toi qui s'en rappelle. J'ai besoin d'un psychothérapeute, je suis maladroit, je leur mets des baffes, laisse des psychoses à tes rappeurs. Économie la parallèle, j'ai vu des putes nus parallèles. Même satisfaire mes frères, quand je t'amène la danse, t'as du mal à assumer l'effort. Ok, tu caches bien tes défauts. Tu fais pleurer ta meuf et tu dirais que c'est nous les fauves. C'est là que la haine débarque et l'amitié m'a mis des baffes. J'ai pleuré pour ce fils de pute. Et c'est maintenant que je me dis débarque. Assis-toi à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage. Allez, viens à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage. J'espère que tout va bien, moi de mon côté tout se passe. Je rêvasse quand frappe la nuit, les rêves s'enfuient et c'est comme ça, hélas. Entre les paillettes et les strass, on n'est pas les mêmes quand je nous regarde. Si c'est des palettes qu'on écrase, je parle pas de société. C'est toujours les mêmes qu'on tartine, toujours les mêmes contrôles, toujours les mêmes qu'on assassine. Au final, c'est garde à vous qui finit en garde à vue. J'ai pas voulu vous escroquer, mais c'est la haine qui parle, t'as vu toute manière. Ici t'es tout seul. Quand les problèmes toquent à ta porte, ici y'a pas de boussole. On a le cerveau bousillé, quoi que c'était peut-être mieux avant qu'aujourd'hui. 14 ans déjà esclave, vu 65 films en psychiatrie. On choisit pas l'on était, mon vilain on veut être. Parle-moi pas de reste, ta vie se résume avant de trop barrettes. Si on avait ne serait-ce que 3 fois rien, on vivrait 3 fois plus. En temps de crise, j'en ai vu plus d'un taf et 3 fois plus. Assis-toi à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage. Allez, viens à ma table, faut que je paye ma taille. Au fond de moi, le bien et le mal sont en tête à tête. On a changé, aujourd'hui on prend de l'âge. Difficile de prendre le large quand t'es pris dans l'engrenage.